Les voisins ont une terrasse, mais ils n'y déjeunent jamais. Moi, si j'avais une terrasse, j'y déjeunerais. Max a de l'argent, mais il ne voyage jamais. Moi, si j'avais de l'argent, je voyagerais. Anne a un piano, mais elle n'en joue jamais. Moi, si j'avais un piano, j'en jouerais. J'ai un vélo, mais je ne m'en sers jamais. Moi, si j'avais un vélo, je m'en servirais. Julie a des bijoux, mais elle ne les met jamais. Moi, si j'avais des bijoux, je les mettrais. Ils ont des disques d'opéra, mais ils ne les écoutent jamais. Moi, si j'avais des disques d'opéra, je les écouterais. Il a des chaussures en cuir, mais il ne les cire jamais. Moi, si j'avais des chaussures en cuir, je les cirerais.